Le sujet, le deuxième, c'est la solution est dans l'événement. Moi, j'ai commencé, dans le temps que j'étais astrologue, j'ai commencé à décoder avant de pouvoir avoir la communication. Donc, quand j'étais jeune, entre 18 et 35 ans, je faisais beaucoup de consultations, puis j'étais obligé d'observer comment ça. Parce que quand tu rentres dans une maison, tu as 14 clients à passer. Faut pas que tu manques les trois premiers, parce que ça insécurise les autres. Hein? Fait que faut que tu sois sur le pitch en commençant. Les trois premières personnes qui passent s'en retournent dans le salon. Moi, je travaillais dans la cuisine bien souvent. J'allais à domicile. Puis là, les gens retournent puis ils disent « Wow, il est bon, il est écœurant, là. » Ou bien « C'est pourri, ça. Ne deviez pas vous faire ça. » Fait que ma survie dépendait vraiment des trois premiers. Et je partais sur le principe que tout est marqué. Les astrologues, tu ne peux pas dire il y a une relativité. Hein? Tout est marqué, ça veut dire que absolument tout est marqué. Mais si absolument tout est marqué, puis que tu vas parler aux gens avec certitude, il faut que le tout est marqué, que tu sois capable de le lire d'avance. Parce que quand tu arrives dans la maison, tu es regardé comme un gars que s'il manque son coup, il va se faire sortir. Vous me suivez? Je demandais un minimum de quatre personnes, puis pour finir la soirée avec 10, 12, 14 personnes, il fallait qu'il y ait des téléphones qui se fassent. Ben moi, je rentrais dans une maison avec 4 personnes minimum, parce que c'était mon minimum me déplacer. Et puis, c'était quasiment 4 fois sur 5, j'en faisais au moins 3, 4 de plus, parce qu'ils téléphonaient à d'autres personnes. Ou ils payaient double consultation pour avoir plus de temps. T'sais. Mais tout ça pour faire comprendre quoi? C'est que si on accepte la compréhension du fait que tout est marqué, parce que c'est pas donné à tout le monde d'accepter cette idée-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Donc, s'il n'y a pas de hasard, il y a nécessairement une continuité. Donc, comment tu te lèves le matin, comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe dans ta journée, va aussi être une suite dans le rapport que tu vas avoir avec les personnes quand tu vas commencer à faire de la consultation. Moi, dans mon cas, c'était les gens me consultaient pour faire de la prévision. Donc, il fallait que je sache leur avenir à partir de ce que je vivais dans mon temps présent, moi. Ouh! Ça, c'est de la haute voltige, là. Essayez de comprendre le fait que vous ne rencontrez pas les gens par hasard. Que ce qui se passe dans votre vie, dans votre relationnel avec les gens, c'est quelque chose qui est une suite de ce que vous vivez. Et que les gens sont marqués dans votre vie, dans l'événement de votre vie ou dans l'événementiel de ce que vous avez à vivre en fonction de ce que vous dégagez. Et moi, dans le temps, je ne parlais pas de vibration, là, je ne connaissais pas ça. Fait que c'était ce que je dégage. Aujourd'hui, je vais vous dire, selon ce que vous vibrez, vous allez avoir les événements qui vont se coller à ça. Bon, c'est plus facile à comprendre, mais à l'époque, pour moi, c'était comment je me sens, puis la condition dans laquelle je suis, ça va déterminer combien de clients que j'ai. Je suis fatigué, j'en avoir 4, je suis en forme, m'en avoir 10. Ça, je savais ça d'avance. Fait que je m'arrangeais pour dormir beaucoup, pour avoir le plus de clientèle possible. À la fin, j'étais tellement bon là-dessus pour gauger ma fatigue, puis gauger mon conditionnement physique, mon état mental, que je faisais 1 500 consultations par année. Les 4 dernières années, C'est bon. je ne pouvais pas en faire plus, là. 1 500 consultations par année. C'est du monde, ça. Puis tu vas à domicile, là. Tu n'es pas sur ton terrain, tu es sur le terrain de l'autre. Bon. Donc, pour moi, c'est confirmé, là, parce que c'est pas nouveau, là. C'est quelque chose que j'ai pris conscience, j'avais quoi, 19, 20 ans, puis que j'ai gardé en mémoire toute ma vie. Aujourd'hui, si j'ai moins d'ouvrage, c'est parce qu'en partie, j'ai plus la même force physique, puis je réussis pas à dormir, parce que je me mets bien des projets qui me dispersent, comme la guitare, ça me pompe au moins 20 heures par semaine. Les carabines, il y a deux ans et demi, ça me pompait bien du temps. Puis en me pompant bien du temps là-dedans, mais j'ai moins de temps pour travailler, donc je suis moins disponible, si tu veux, à de la conscience, à du psychique à l'extrême. Bon. Là, tu vas dire, c'est de ta faute. Ouais, dans un sens, c'est de ma faute, mais je suis plus capable de faire d'autres choses que ça. J'ai besoin de vivre avant de mourir un petit peu, là, parce que j'ai vécu tellement pour les autres qu'à un moment donné, il faut que je vive pour moi un petit peu. Bon, tout ça pour dire que dans l'événement, vous avez une mesure de vous-même. Puis dans la mesure de vous-même, vous avez les prochains événements qui s'en viennent. Hein? C'est bien ça? Je dis, ouais, mais tu fais ça comment? Là, t'sais? On lit ça comment, un événement? Faut toujours partir du principe que la vie, c'est simple. Ça, je vous donne les bases. C'est simple. Je vous donne un exemple de simplicité que j'ai découvert et appliqué dans ma vie. Moi, j'étais étudiant, et puis j'étais au cégep, j'étais à l'université, puis j'avais une job d'été. Puis ma job d'été, moi, c'était de remplir des catalogues d'architectes avec les produits d'une compagnie de ventilation. Tu sais, les ventilateurs qu'on a, ces toits, c'est des ventilateurs industriels. Tout ça, la bébelle, là, aussi, tu sais, ces espèces de champignons qu'on met sur les toits. Et puis j'allais dans des maisons d'ingénieurs puis d'architectes, dans le temps qu'ils n'étaient pas corrompus, là. Et puis je lui changeais le catalogue avec les produits de la compagnie Léolésie. Bon. À un moment donné, je n'ai jamais été un gars qui aimait ça, le trafic. Je suis content d'avoir fait ça dans ce temps-là et non pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est épouvantable. Mais à l'époque, dans les années 60, j'allais dans un bureau, j'étais souvent dans des places de centre-ville. Et puis, stationner, trouver du stationnement qui ne coûtait rien, puis tout le kit, là, c'était l'exploit de la journée. Si je m'aurais fait faire des bureaux d'ingénieurs à Joliette ou n'importe quoi, ça m'aurait pris moins de temps faire 20 clients là-bas que de faire 3 clients à Montréal à cause de tous ces inconvénients-là. Maintenant, j'étais tellement écœuré du trafic parce que je ne suis pas patient, vous le savez, qu'à un moment donné, j'ai dit, il faut que je trouve un moyen de savoir d'avance comment la journée va se passer. Parce que je m'intéressais à l'astrologie, je faisais de l'astrologie, dans le sens que j'allais travailler chez les gens. Et puis, je me suis fié, écoutez-le, elle est drôle, je me suis fié sur les lumières rouges puis les lumières vertes. Tu sais, quand tu t'en vas sur la route, tu as des lumières rouges, des lumières vertes. J'ai dit, moi, trois lumières rouges, Chris, puis j'y vais pas aujourd'hui. Ou trois lumières vertes, j'y vais. On va aller travailler. Il commence ça demain. Ah, sacrément, ça marchait. Tu partais, ta journée commençait avec trois lumières vertes, puis tu faisais 10-12 clients dans la journée, même en plein centre-ville, ça allait bien. Il y avait quelqu'un qui partait, tu fais te stationner. Je dis, il n'y a vraiment pas de hasard. Moi, j'étais dans la zone de découverte, là. Puis tu tapais trois lumières rouges, là, puis si tu y allais pareil, là, parce que tu avais comme un sentiment de culpabilité d'avoir une paye sans travailler, bien là. J'y allais, puis là, c'était de la merde, de la merde, de la merde. Des fois, je n'étais même pas capable de trouver une place pour m'arrêter, pour pas aller. T'sais, il aurait fallu, comme les gens le font, là, ils stationnaient en double, puis je monte. Mais je n'avais pas ce guts-là dans ce temps-là. Ben, je ne le faisais pas. Puis là, à un moment donné, je disais à mon boss, je dis, je travaille 2 jours, 3 jours par semaine dans ce temps-là. Ben, il dit, tu fais ta job. Il dit, tout le monde me dit qu'ils sont bien satisfaits, t'as telle place. Ouais. Il dit, je travaille juste quand j'ai trois lumières vertes, que je commence à journée. Tu quoi? Il dit, ça marche pas quand il y a des lumières rouges. Ben, je vous le dis, là, vous êtes mon voisin, puis vous êtes mon boss, c'est vous qui me donnez ma paye. Je travaille, puis je dis, la plupart de mes journées que je fais du rouge, la lumière rouge, ça marche pas. Puis quand je fais la lumière verte, ça va super bien. Je fais l'ouvrage de la journée qui aurait pu être à rouge, je la fais dans une journée. OK, il dit, ouais. Il dit, ça me coûte cher? Non. Je fais un job. Les architectes ont tout le... Il dit, oui. Mais il dit pas, je te paye trop. Je te paye 3 jours, puis je te donne le même salaire si tu travailles pour 5. Ça marche pas. Ben, ça marche. Vous me payez pas à l'heure, vous me payez à job. Fait qu'on. J'ai dit, de toute façon, c'est comme ça que ça va se faire. Je dis, moi, je ferai pas ça autrement, parce que je dis, moi, être pris dans le trafic, brûler du gaz, le kit, ça me tente pas. Je dis, vous payez pour le gaz, là, en passant. Fait que, tête de cochon, évidemment, tu sais, il me disait, s'il ne prend pas, tant pis pour lui. Mais moi, je venais de découvrir de quoi? Je venais de découvrir qu'une mauvaise journée, elle commence mauvaise, puis souvent, elle finit mauvaise. Puis une bonne journée, quand elle est bonne. Bon, j'ai appris d'autres choses après, qu'une mauvaise, ça te forge les nerfs. Mais j'étais trop jeune dans ce temps-là pour être aussi sien. Quand j'étais jeune, j'étais chiant, mais je n'étais pas sien. Fait que j'ai commencé à étudier d'autres choses, à voir les parallèles entre tel type d'affaires. Genre, exemple, une personne dit « je déménage à Québec », puis la cliente suivante est née à Québec. Ah, grâce à ça, il y a un lien. Puis là, tu vois des liens, des liens, des liens. Tu sais, tu dis à quelqu'un, tu vois passer une auto dans la rue, tu dis « tu vas changer de char cette année ». Juste parce que j'ai vu passer une auto, et j'ai pas d'auto. Tu regardes dehors encore par la fenêtre, t'es imbécile. Oui, c'est ça. Tu vas changer ton bicycle. Tu vas dire, wow, tu t'es pas forcé bien, bien, là. Oui, mais ça marche. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous autres, vous vivez tout le temps avec du rationnel, vous ne pouvez pas voir l'occulte. Donc, c'est très difficile de lire dans un événement parce que vous allez tout le temps regarder ça raisonnablement. Et conséquemment, pour vous, un événement, il va falloir qu'il soit gros en maudit pour dire... tu sais, genre, il faut qu'il y ait une arrache pour dire qu'il y a un arbre qui va casser. Tu sais, chez nous, moi, ça casse quand il y a une arrache. Mais si je dis à quelqu'un, t'as un arbre qui va casser, il est trop vieux, il n'y a pas d'orage, il va dire, hey, tu l'as eu. L'arbre a vraiment cassé, puis il ne mouillait pas. Il est surpris, parce que c'est une information qui n'est pas raisonnable. Fait, je me suis concentré à lire les événements à partir du pas raisonnable, puis à faire des tests, puis des tests, puis des tests. Savez-vous ce que j'ai découvert là-dedans? C'est que toutes les questions que je comprenais pas, tu sais, tes questions, c'est quand tu te questionnes, là, tu cherches une réponse. Et puis, j'ai dit, comment je peux savoir? Comme là, ma fenêtre du côté du copilote, elle ferme pas. À un moment donné, je l'ai montée, je l'ai descendue, puis elle ne montait pas en haut, puis elle ouais, gosse avec le char, parce que là, tu sais, il pleut, ça rentre dans le char. Je peux pas, parce que je le lave, là. Puis je le lave chez nous, je me suis équipé pour laver mon char tous les jours. Et là, tu peux pas laver ton char, là, tu vas le remplir d'eau. Fait que ma vite, elle reste ouverte comme ça. Fatigant. C'est un événement. Oui. Bon, il y a une éclipse, c'est lié à l'événement. Une éclipse, c'est une purge. L'espace de l'auto, pour moi, c'est le danger de se faire voler. Donc, une purge. On va me faire purger mon char, je viens de l'acheter, Chris. Tu sais, tu viens de manger. Tu peux pas aller chier tout de suite, là. Il y a quelque chose, un petit délai, hein. Fait que, t'es pris dans un mouvement, puis tu te dis, pourquoi ça m'arrive? Ça vous arrive-tu d'avoir des affaires dans votre vie, vous dites, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi que telle personne me rejette, pis ci, pis ça? Fait que là, c'est l'affaire du décodage. Tu t'en arrives à dire, pourquoi ça arrive? Tu veux une réponse à ça? Pourquoi il a perdu son chat? Tu sais, pourquoi? Là, tu te dis, hey, il me faut une réponse. J'ai un événement. Si je veux corriger l'événement, si j'ai la réponse, je vais pouvoir la corriger. Si j'ai pas de réponse, je vais être pogné. Là, tu vas me dire, ben ouais, mais téléphone au garage, je vais te réparer. C'est quelle date qu'ils m'ont donné? 13 mai. J'ai dit, madame, 13 mai, avec une vitre ouverte. Ça, c'est jouer avec la nature, hein? C'est de penser qu'il ne mouillera pas jusqu'à là. Elle dit, ah oh, oui, c'est vrai. Je dis, sans compter qu'il y a des dangers de vol, là. On s'entend que je n'ai pas un Toyota, moi, là. Fait que... Elle dit, ah oh, oui, c'est vrai. Elle dit, je vais vous faire un trou. Elle fait dire gros, puis vite, vite, vite. Elle dit, moi, je ne suis pas le gars à démonter une porte de... C'est, ça ne marche pas. Fait que, je vais vous faire un trou. Bon, OK. Fait que, elle me donne ça mardi à 2 h. Je dis, c'est en plein l'heure que je me lève, là, c'est correct. Ben, je suis levé à midi, là, mais à 2 h, parfait. Fait que j'ai ramené ça. Mais dans l'événement, c'est quand même, Christ, ta vite est baissée, là. Puis elle baisse encore plus, là. C'est comme aujourd'hui, elle a baissé. Hier, je la voyais pas. Elle était juste un petit peu. Et là, quand je roule, mettons que je roule assez vite, là, ça siffle en maudit, hein, puis c'est pas de la musique, là. Okay. C'est quoi? Pourquoi ça m'arrive? Bon, il y a l'éclipse. Ménard l'a dit. On a essayé là-dessus. Ça vous tente de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'éclipse? C'est une purge. Bon, OK, c'est correct. Qu'est-ce qu'il faut que je me fasse purger, moi, là? Là? C'était sécurisant. Bon. Fait que là, tu dis vite baissé égale tel type d'insécurité. Tel type d'insécurité, je l'ai-tu dans un autre aspect de ma vie? La réponse, c'est oui. Problème avec mon équipement informatique, problème avec mes magnétos, manque de concentration. Donc, je suis pas capable de me fermer assez, puis je suis ouvert assez pour que ça soit trop dangereux. Donc, manque de concentration quand j'ai fermé mon tape, puis ça l'éteint. Hein? C'est la même connexion que la vitre baissée. Puis moi, j'avais la vitre baissée quand j'étais au centre de tir avec vous autres. Vous remarquez que je m'occupais de savoir si je perdais rien, là, puis que tout le kit. Ça demande un effort de concentration. Ça veut dire que présentement, je suis trop dilaté. Égal! T'es trop dans la guitare, puis t'es pas assez dans ta job. Qu'est-ce que Ménard a fait pour faire réparer sa vitre? Il a commencé à slacker sa guitare. Il a commencé, wow, correct les DVD, là, relax, là. Il va être là dans 2 semaines, là. Fait que, parce que j'ai remplacé les cassettes vidéo de Super Vidéotron par les DVD que j'ai achetés pour écouter mes affaires, être dans une immersion, apprendre mon anglais, puis me retrouver aussi à savoir comment jouer différents styles avec différentes... Blablabla. Fait que, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, le char, la guitare, la dilatation, l'ouverture extrême, pas de capacité de fermeture, je suis vulnérable, faut que je fasse attention. J'ai étendu ça à tout. J'ai étendu ça à tout, tout, tout, tout. Puis là, je reçois le email à matin de mon propriétaire qui, on est en train de faire les achats. Je niaisais un petit peu avec la maison, tu sais, genre, m'attendre au 10 juin, mais tu sais, avertis-les, là, parce que lui, là, il vient de trouver quelqu'un qui veut l'acheter si moi, je l'achète pas. Ah! Trop grande ouverture. Je l'ai pas averti, j'ai pas téléphoné pour lui dire j'aimerais ça que ce soit le 10 juin après les éclipses. Ça te dérange pas, lui, en autant, soit fait après le 1er juillet. Comprenez-vous, je veux dire? Fait que tout étant lié, je dis, oups, c'est un problème personnel qui fait que ces événements-là se présentent. Hey, je peux perdre ma maison si je comprends pas que la vitre baissée, c'est, je suis trop lousse. Hein? Trop vert, là. Tu sais, t'es trop dans ta bulle, là, puis, faut que tu regardes l'extérieur, là, ça peut vouloir entrer, les problèmes, là. Bon. Surtout que c'est de l'autre bord. C'est toujours l'autre, parce que c'est du côté du copilote, là. Parce que c'est des détails, ça, là. Mais faut que tu pognes le principe. Parce qu'un événement est toujours connecté avec d'autres. Puis c'est toujours une suite logique. C'est ça que j'ai compris avec les années. Mais là, je vous le dis, j'ai commencé à 18 ans, en 62. Fait que c'est devenu naturel pour moi de faire une sorte de décodage quasi constant de ce qui se passe. Dès que je me pose une question, c'est sûr que j'ai les forces, mais mon ego est capable de, à cause de l'expérience intellectuelle que j'ai vécue à faire de l'observation, mon ego est capable de comprendre pourquoi les forces me font faire quelque chose. Tu sais, en même temps que la vitre a baissé, j'ai ouvert ma porte de cave pour que les chats puissent rentrer puis sortir la nuit quand c'est ça. Fais attention. Vite. La maison. Jouer trop de guitare, tu dilates trop. Ça dilate la guitare, hein? La carabine, ça concentre, ça contracte, puis la guitare, ça dilate. Fait que trop de dilatation, faut faire attention. Fait que là, j'ai de quoi, si je suis toujours quand même capable de revenir au contact, mais si, à un moment donné, je suis dans une run de logique, là, je suis dans une run humaine normale, là, j'ai quand même ça qui me permet d'identifier mes zones de stress. Je vis pas juste un état, mais je vis aussi une compréhension. Vous autres, souvent, quand vous venez me voir en consultation, vous êtes pris avec un état, puis vous voulez que votre intellect comprenne pour encadrer l'état. On s'entend? Toi, tu viens, tu me dis, bon, ben là, quand je suis sur le travail, on me parle dans le dos, va. C'est un état que tu m'emmènes. Puis, là-dedans, tu veux comprendre dans quelle mesure c'est la faute à l'autre ou c'est ta faute. Puis, pour moi, il n'y a pas de faute. Il y a une suite d'événements. T'es scorpion, t'as le drame à régler dans ta vie, puis c'est une tendance fondamentale de ta programmation. Bon, on part de là. Moi, je regarde ta carte, scorpion, le drame, papa. Fait que c'est normal qu'elle se sente harcelée par son environnement, parce qu'elle a notre besoin pour passer à travers une peur d'un jugement, d'une évaluation. Parce qu'on regarde l'événement, puis on regarde la séquence dans sa régularité, dans sa continuité, on prend ça de même. Puis là, à partir des événements, tu peux mesurer l'intensité selon ta sensibilité, non pas selon la mienne. As-tu vu comment moi je te brasse ça? Bien, tu ne serais pas capable de faire ça comme moi je le vis. Parce que moi, comment je le vis, c'est toujours à la guerre. Tandis que toi, c'est vouloir la paix. Parce que si tu voudrais la guerre, ça serait facile, ça serait réglé rapidement. Mais parce que tu veux la paix, ça devient ambigu de se faire la guerre. Tu sais, quelqu'un qui veut pas se battre avec quelqu'un qui cherche la bataille, il y a une dissociation au niveau mental. Fait que on voit là à ce moment-là que dans l'événement, tu es l'esclave de quelqu'un qui est agressant. Il y a quelqu'un qui veut te dominer pour une raison donnée. Il y a une raison qui lui est personnelle, mais toi, tu subis sa raison, puis comment tu te défends là-dedans? T'sais? Bon, fait que ça, c'est du décodage d'événements qui te demande de trouver une solution, parce qu'il y a toujours, t'es mal, t'es mal dans l'événement, il faut que tu sois capable de te libérer de ce mal-là. Ben là, il faut qu'il y ait un changement de lecture, mais il faut avant tout, avant de changer de lecture, qu'il y ait une lecture. Il faut que tu aies un minimum de lecture, qui est une lecture souvent égoïque, avant de passer à une lecture qui est plus psychique, qui est plus occulté, il faut que tu saches les bases, qui est que tout ce qui se passe dans ta vie part de toi. C'est la base. Puis que tout événement est connecté au fait que tu es connecté. En d'autres termes, il y a des gens qui se connectent à tes états. Et ces gens-là engendrent des événements dans ta vie parce que tu es dans un état particulier. Tu changes ton état, tu peux même aller jusqu'à changer de monde parce que ton état change. Quand tu as compris cette base-là, c'est plus pareil la vie. Là, tu deviens, entre guillemets, responsable du hasard. C'est comme si je vous disais, si vous avez une personne dans votre vie qui vous fait une interface et un rapport de ce qu'il voit de vous, vous avez une chance extraordinaire. Si vous n'avez pas une personne qui est consciente d'être un miroir de vous, il vous reste d'être conscient que ce qui se passe, c'est le miroir de ce que vous vivez. Ça, c'est plus difficile. Ça. C'est moi, je vis tout seul avec des chats. Puis, bizarrement, quand j'ai un rendez-vous, mes chats me réveillent trois quarts d'heure avant. Le temps de ramasser la litière, les faire manger, puis de crisser mon camp. Fait que c'est pas vrai que les chats sont pas intelligents. Ils sont pilotés par la même source que moi. Vous me suivez? Fait que ça se peut pas qu'un chat, 365 jours par année, il sait lire l'horloge. Tu sais, ça se peut pas. Puis que si c'est pas un, c'est un autre. Puis qu'à un moment donné, t'entends miauler à ta porte, puis il n'y a pas de hasard. Tu te lèves, tu vas voir, puis il y a quelque chose qui se passe. La chatte venait d'accoucher, j'étais en train de produire mon CD, puis ça me dit en dedans, va dans la toilette. Va dans la toilette, je suis en train de taper quelque chose, c'est important, blablabla. Et là, quand c'était fini, la première affaire à faire, c'était de me lever et d'aller dans la toilette, puis j'avais pas envie, moi, là. Oups, la chatte avait accouché, là. Elle était rentrée, puis je savais même pas qu'elle était rentrée dans la toilette. Elle a deux chats d'accoucher déjà. OK, bon, vous autres, c'est encore ici de mes chats qui accouchent. Moi, dans mon cas, c'est encore deux autres chats. Hein? On s'entend? Vous autres, c'est la grimace. Moi, c'est le bonheur total. J'aime les animaux. Donc, j'aime l'être humain. Mais, quand tu es capable d'arriver à voir ta vie, puis qu'il y a des correspondances avec ton travail, il y a des correspondances à ta vie sentimentale, des correspondances ainsi. C'est drôle, tu sais. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Parce que tu connais ton avenir. Moi, je garde mes chats parce que je connais mon avenir. Je perds mes chats, là. Mettons, la ville vient et elle dit, tu n'as pas plus que toi. Moi, c'est fini le travail, là. Tu vas dire, ah, ben, tu as juste à en racheter d'autres. Non, c'est pas pareil. S'ils me remettent à faire d'autres choses dans la vie, là. Vous me suivez? Parce que tout est lié. C'est dur pour vous autres de voir que tout est lié, parce que vous ramassez tout le temps ça en disant « Ah, c'est un hasard. » Un hasard, moi, vous dire, moi, je ne serais pas capable de battre le hasard. C'est de prouver que le hasard existe. Parce que je suis capable de te prouver que le hasard n'existe pas, bien plus que de te prouver que le hasard existe. Fait que si j'en arrive à dire « Ah, grand ça, j'ai un problème avec un chat, mais j'ai nécessairement un problème avec une personne qui vient me voir dans mes formations. » Tu sais, je dirais pas... Jeannette, t'as un problème. Vas-y, j'ai un chat chez nous qui renifle tout le temps. Il y a de la misère avec sa respiration. C'est ma petite Billy. Fait que faut que ma petite Billy elle ait plus de torque, tu sais. Sans ça, elle va renifler tout le temps. Fait que tu connais ton avenir avec les événements qui orbitent dans ton quotidien. Puis fais les connexions. Ça va être drôle parce qu'à un moment donné, comme lui, il a perdu un chat. Il y a quelque chose qui est lousse dans sa vie. C'est important, ce chat-là. Mais s'il n'est plus capable de contenir l'animal, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa vie qui a de la misère à contenir, ou il y a quelque chose qu'il faut qu'il apprenne à laisser. Parce que le chat peut revenir, mais il faut qu'il laisse aller. S'il y a quelque chose dans sa tête qu'il ne laisse pas aller, il y a un événement dans son quotidien qui va l'obliger à laisser aller. Tu sais, c'est facile à dire, il faut que tu laisses aller. C'est pas une solution, ça, là. Faut que tu le vives, là. C'est pas une solution de dire à quelqu'un, laisse aller. Tu sais, la quantité de tata qui donne des conseils aux gens en pensant que ça se fait comme c'est un claquement de doigts. Je m'inclus là-dedans pour ça. Hein. J'en ai donné des conseils à tonnes, là. Puis, tu devrais vivre ça, tu devrais faire ça. J'ai poigné tous les tons. Tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça! Tous les tons. C'est la même réponse tout le temps. Calisse. Et là, ça se fait pas, ça se fait pas. Peu importe le ton que tu prennes. T'as pas compris, gros, que le chat, là, s'il a envie de chier, c'est à son heure. Que s'il a faim, c'est à son heure. Que c'est pas parce que tu dis, bon, il mange deux fois par jour, qu'il mange deux fois par jour. Quand tu commences à... Une année, j'ai acheté 3 caisses de Friskies. Des grosses cannes, là. 3 caisses. J'ai dit, là, mais sacrément, je vais vous bourrer la bédaine. Là, je veux voir jusqu'à temps que vous soyez capable d'être sur le bord de vomir. Ils ont pas mangé plus. Mais ils mangent souvent. C'est moi qui n'avais pas compris qu'un chat, ça mange souvent. C'est pas eux autres. Eux autres, ils ont toujours eu un appétit qui était raisonnable. Puis, à 5 ans, nous autres, sont contents. Puis, ils mangent du sec de temps en temps. Puis, ils veulent la variété. Ils veulent pas se faire bourrer, puis après ça, on s'en débarrasse. C'est pas ça qu'un chat, eux, ils te donnent de l'attention. Alors, oups, là, tu sais. Régularité, puis pas toujours à ton rythme. Puis, à un moment donné, moi, je fais une connexion. Fait que je dis, peut-être qu'avec le monde, il faudrait que je sois à leur rythme. Puis, ils veulent avoir une certaine... Ils veulent des goudis. Tu fais des goudis, tu es gentil, tu es fine. Mon Dieu, tu es intelligent. Tu tiens bien, c'est extraordinaire, lâche pas. Ça, tu n'as pas le temps de l'engueuler, câlisse. Tu sais, elle tient sa carabine, tu croches. Laisse la faire, parce que j'ai tout seul. En cours de la vie, là-dedans, là. Tu sais, c'est pas à veille de tomber, là. T'as si, câlisse. Fait qu'elle relaxe, attends. Puis là, oups, elle tire mieux, là. Puis là, oups, elle baboune. Les petits vieux, ils babounent quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Bon, ben, tu vois, là, elle baboune, là. Laisse-la babouner. Moi, ça me parle dans ma tête. La babouner, puis elle va se corriger. Oups! Tu sais, 10 minutes, tu es arrivé à la cible, là. Tu sais, genre, tu l'en es, là. Hey, là, la cible. Là, j'étais tout le temps en arrière d'elle, là. Hey, là, regarde ton bout de canon, là. Puis là, elle se mettait loin dans le télescope. Chris, tu vois rien quand tu te mets loin. Elle se mettait ça sur le menton. Fais attention, tu sais, pas là. Si t'as le doigt sur la gâchette, t'as coté ça sur le menton, une 2-23, ça claque pas trop, mais sur le menton, c'est pas pareil, hein, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ça dit lâche, là, relax. Elle est assez intelligente pour voir qu'est-ce qui peut se faire puis qu'est-ce qui peut pas se faire. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Puis là, oups, hier, elle tirait, là, maintenant, blablabla, je commençais à avoir des problèmes, je me disais, fuck, si Jeannette va arriver là, c'est elle qui va remplacer Madeleine, elle va se trouver jalouse de Jeanne, comme dans le temps que Madeleine était jalouse de Jeannette, tu sais, Jeannette, dans la même famille, là. Mais, c'est parce qu'elle est irrégulière, tu sais, tous les semaines, tous les jeudis, ah non, elle est déjà bonne, là, c'est hallucinant. Fait que, là, Alexine était là, puis là, ça comparait, t'as pas travaillé avec la même carabine, ta carabine, c'est-tu mieux que la mienne, c'est pis ça. Là, j'étais plus dans un petit bain de polarité, puis de femmes sournoises qui essayaient de voir s'il y en avait plus que l'autre, là. On règle ça au Tim Hortons, la vie est belle. Est-ce que quelqu'un apporte? Non? OK. Il recognera, hein? Donc, s'il y a de l'événement, il y a de la réponse. Il y a de la réponse même que tu ne demandes pas. En d'autres termes, elle a des motivations, sa carabine, qui ne sont pas pareilles comme celles d'Alexine. Alexine, c'est social. Elle, c'est réellement quelque chose de plus. C'est bien difficile de dire quoi, mais j'ai remarqué qu'elle sait mieux quand il y a quelqu'un qui vient. Donc, il y a de la compétition à régler. Fait que, oh non. Ben, tu sais, non, c'est parce que t'es pas en compétition officielle, mais tu peux être en compétition d'une façon informelle, parce que t'as de la compétition à régler. Fait que, tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, tu peux avoir des réponses, ou tu peux avoir un comportement, qui est en fonction de ta lecture. Puis une fois que tu développes cette lecture-là, tu vas savoir quoi faire. Parce que bien souvent, les gens, ils ont une lecture, puis ça s'arrête là. C'est parce que, bon, parce que, après que tu as fait parce que, là, que tu vas faire quoi? Mais si tu es capable de changer ta façon d'agir, tu vas changer la nature de l'événement. Puis les événements, je vous ai souvent dit, je l'ai pas dit à tout le monde, mais j'ai souvent dit aux gens, les gens, c'est des événements. Fait que là, à un moment donné, tu vas voir que à changer ta perception, ta lecture des événements, ça change l'influence de ton environnement sur ta personne. Ça change le... Les gens vont dire, elle a bien changé. Elle a bien changé dans sa tête. Et ça engendre des nouveaux événements. Puis avec les nouveaux événements, bien, ça te fait faire d'autres choses. Moi, quand j'ai acheté un Mercedes, ça crée une réaction. Quand je dis aux gens qu'ils m'ont vu tirer pendant 2 ans, 2 ans et demi, puis là, je dis, je m'intéresse aux guitares. Tu t'intéresses aux guitares? T'es pas un tueur? Ben, je vous dis, avec une guitare, je pourrais te frapper puis te tuer, oui. Mais je vous dis, non, moi, je pense que je peux faire de la guitare puis de la carabine. Il n'y a pas de trouble avec ça. Ah, ouais. Ben, moi, il me semble que si je fais de la carabine, je ferai pas de guitare. Ouais, ça, c'est ton point de vue. Puis là, ben, tu vas-tu être musicien? Je sais pas. Ils sont belles sur le mur, en tout cas. Pour l'instant, là, ça me suffit. Puis je dis, vas-tu t'en acheter beaucoup de guitares si t'aimes ça bien sur le mur? Pas plus que 12, là, parce que je m'en vais couvrir tous les murs. Là, j'étais en train d'absorber ça, puis ici, puis ça. As-tu du fun? Puis non. On m'a allé au doigt. Poussé en cible. J'ai pas habitué de faire du karaté, moi, dans de la roche, là. Poussé en cible. Je commence à faire de l'arthrite, là. T'sais, juste serrer le manche, ça me fait mal les jointures, calice. T'sais, ouais, mais lâche la guitare. Non, non, c'est pas de tes affaires. Ils sont belles sur le mur. T'sais, les gens, là, ils veulent tout le temps une raison puis une solution faite d'avance. Ça, ça marche, tu fais ça. Ça, ça marche pas, tu fais pas ça. Puis si ça marche pas pendant un certain temps, puis c'était bon plus tard. Puis bon, pour qui? Hey, savez-vous que j'ai même pas le goût de faire de show, moi, là? Vous autres, vous voulez que je vous joue une toune. Moi, je veux juste avoir une guitare sur le mur que je trouve belle. Mais si j'ai acheté un ampli, puis il y en a 500 à travers le monde. Est-ce que je l'aime? Pourquoi? Parce qu'il est rare. 500 à travers le monde. C'est bien, ça. J'aime ça, cet ampli-là. Mais il y a l'air juste d'un ampli, là. Pour toi, puis moi, puis ben du monde. Qu'est-ce que t'as acheté? Un Fender. Ben, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ton Fender? Ben, il est pas la même couleur que les communs. Tous les Fender, c'est noir. Puis celle-là, ben, il est couleur blonde. Ouais, ça joue-tu mieux? C'est plus beau. Fait que les gens sont dans une affaire qu'il faut qu'ils régularisent. T'as rien à lire là-dedans. Mais je rentre chez nous, j'ai 82 ans. C'était donc ben des belles guitares. As-tu vu jouer une toune, Pépé? Pépé, il a mis à tenir sa tasse, aussi. Vous vivez pour vous autres, puis vous vivez pas pour les autres. Vous vivez pour vous autres. Même si vous voulez vivre pour les autres, vous allez quand même faire des affaires pour les autres, pour vous-même. Simplement. Donc, tous les événements sont codés d'avance. Probablement qu'on peut connaître les événements de notre vie là, dans X années. Je ne suis pas rendu à ce stage de décodage-là, parce que pour moi, c'est pas important, parce que c'est la vibration qui m'intéresse aujourd'hui. Mais pour les gens qui sont encore dans une beurrée d'intellect, puis qui veulent avoir comme l'impression d'un pouvoir sur leur avenir, dites-vous bien que, premièrement, tout est marqué, que vous ne pouvez pas rien changer, mais que vous pouvez lire et comprendre ce qui se passe dans la mesure que vous êtes capable de concevoir qu'il y a une règle de continuité et de résonance avec les événements, et conséquemment qu'en arrière d'un événement, il y a une personne. Là, vous allez dire, je te gâche, tu vas me dire que je vais prendre la pluie parce que je connais quelqu'un. Peut-être pas à ce point-là, mais pour te faire sortir à la pluie, il faut que quelqu'un t'aille appeler avant. Parce que c'est pas évident que tu sortes à la pluie pour rien. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe en relation avec une personne, genre, elle t'a donné un cadeau, puis tu l'as oublié dans l'auto, puis il faut aller le chercher, puis il pleut à boire de bout, puis t'es pas capable d'attendre en main, parce que tu veux absolument savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau. Et là, il y a quelque chose de relationnel qui va t'embarquer dans le mouvement, même si c'est des effets de la nature. Il faut jamais oublier que quand il pleut pour tout le monde dans la région. Donc, tout le monde sont en fréquence, selon la nature d'un événement naturel, sont dans une certaine fréquence, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de vos pensées, ou de vos humeurs, ou de vos états, qui sont en fonction de l'événement pour les 10 000 personnes autour de vous. Donc, il y a des maudites bonnes chances que vous ayez l'état d'une collectivité, et que si vous vous individualisez, vous ne serez pas affecté par la collectivité. OK? Bon, la personne qui s'occupe pas de hockey, de savoir que les Canadiens sont rendus à 3-1, ouais, s'en fout. Il n'y a même pas ça sur son téléphone. Moi, et tous les buts, je peux même te dire qui s'est scoré. Résultat final, 3-1 Canadien. Bon, ça vous dérange pas, ça, hein? Parce que vous n'êtes pas mis en fréquence pour ça. Mais moi, je suis mis en fréquence, puis ça vient juste de finir, la game. Non, ça fait une heure, excusez. Fait que la dynamique de plusieurs personnes peut affecter votre perception individuelle. Donc, dis-je, je suis seul dans la vie, là, faites pas mourir, parce que vous savez juste à avoir un projet. Vous remarquez que quand vous vous intéressez à une auto, exemple un Kia Optima, vous en envoyez partout, avant même de l'acheter. C'est parce que vous êtes en résonance avec l'événement et le produit et le service qu'il y a. Vous me suivez? Moi, je dis, hey, wow, j'en ai juste quatre à travers le Canada, des chars comme le mien. J'en ai vu trois à date, mais des plus récents. Plutôt que d'avoir des moteurs 500, ils ont des moteurs 550. Mais j'en ai vu trois. Avant, j'en voyais pas, je les regardais pas, je pensais pas. Là, je vis dedans. Vous me suivez? Fait que ça veut dire que tout ce que vous vivez est en connexion avec d'autres personnes. Donc, il y a d'autres personnes qui peuvent engendrer des événements, puis vous ne connaissez pas le nom, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, mais ils sont en résonance avec vous pour un thème ou un sujet particulier. Et que si vous êtes capable de dire, à un moment donné, qu'est-ce que je fais ici? Des fois, c'est juste pour pouvoir être mis en résonance avec quelqu'un qui était assis en arrière de vous, pour amplifier ou défaire une impression ou une vibration dans laquelle vous êtes. Bon, vous allez me dire, ouais, mais là, ça en fait des affaires à penser. C'est pour ça que je vous dis une mise en vibration, c'est plus simple. Mais il y a du monde qui se pose des questions, puis ils veulent avoir des réponses pour pouvoir faire quelque chose. Ils disent, bien, mais si je comprends ce qui se passe dans ma vie, je vais pouvoir intervenir plus facilement. Comprenez-vous? Moi, là, je slack la guitare en fin de semaine, juste parce que j'ai une fenêtre qui ne ferme pas. Tu sais, c'est pas banal quand même, là. Puis il y a des milliers d'affaires que j'ai faites comme ça dans ma vie. Parce que telle chose est arrivée, j'ai cancellé ça ou j'ai fait d'autres choses, ta-da. Tu vas dire, hey, wow, tu peux être conditionné là-dedans? Non. C'est une lecture. Moi, tu me dis, des fois le matin, je me lève, je dis, amène ton chandail. Comme à soir, là, ils m'ont dit, amène ton chandail. Il fait chaud. Oui, mais si tu sors du restaurant à 4h du matin ou à 2h du matin, peut-être qu'il ne fera pas chaud, tu vas être content, maudit d'avoir ton chandail. Mais c'est possible que vous soyez capable de voir que vous avez besoin de votre chandail parce que vous l'avez regardé quatre fois. C'est dans la maison, là, tu le regardes quatre fois. Qu'est-ce que j'ai à regarder, ce maudit chandail-là? Puis là, parce que tu es capable de décoder que, bon, tu as un chat qui éternue en même temps que tu regardes, ah, j'amène le chandail, ça se peut que j'ai un petit coup de froid à soi. C'est du décodage. C'est ça. C'est que tout est lié. Vous autres, cherchez des affaires dans des événements, là, tu sais, faut aller au casino, gagner 100 000, puis là, ça veut dire qu'ils changent de vie, voyons donc. Vous n'avez pas des vies pour avoir des affaires aussi extraordinaires. Mais c'est extraordinaire de savoir les choses parce que tu es capable de les lire. Ben, je dis à Jeannette, si tu ne te colles pas un hostie de sourire dans le visage, tu vas être malade. C'est du décodage, ça. Parce que l'État va entraîner des événements pour te rendre malade ou d'avoir un accident. Fait que je suis bien content qu'à tous les jours, quand elle s'assit dans son Benz, elle a le smile, que quand elle va carabiner, qu'elle va tuer son patron ou qu'elle va faire n'importe quoi sur la feuille de papier, ça soit juste sur la feuille de papier, plutôt que d'engueuler le boss pour sa job. Parce qu'elle aime pas la job. Comprends-tu ce que je veux dire? Je suis content d'avoir donné quelque chose qui peut ajuster son air pourri de c'est donc Dieu la vie, puis Madame Blancheville, puis que c'est Dieu la vie, puis mon mari, puis mon patron, puis calisse ma famille qui me reconnaît pas, puis qui m'aime pas, puis qui me fait pas vivre. OK, on lève tout de suite, smile. Puis continue à vivre. Si tu fais pas ça, tu vas tomber malade. Il me semble que c'est une évidence. C'est pas, il y a pas beaucoup d'astrologie là-dedans, là, on s'entend. Même pas de médium puis de boule de cristal, sacrément. C'est une évidence. Bon, il y a plein d'affaires dans la vie qu'on fait, qu'on pense que les autres nous voient pas. Puis, hey, allume, là. Tu sais, allume. Là, t'as un moineau dans mon genre que, il te chippe le miroir en plein dans le visage. T'es gars. Ouais, pis dans le bol, là, c'est gars. Il y a un problème, là. T'as une mauvaise attitude face à toi-même. Tu penses-tu qu'avec cette mauvaise attitude-là, tu vas gagner à la loterie, toi, là? Voyons donc. Oui, des fois, je me dis, tu devrais prendre des billets. Hey, tu manges à 5 canuts. Y a-tu plein du monde qui gagne à 5 canuts la loterie? C'est comme pas à place pour acheter ça. Va acheter ça dans le centre-ville, à Laval. Quand c'est un gros grec qui arrive avec un Rolls-Royce, c'est le temps d'acheter ton billet, là. Non, mais tu comprends-tu? Tu es dans un état, puis tu penses que tu vas gagner un million. Voyons, non. C'est c'est un événement. C'est un événement qui se prépare, là, tu sais. Puis, à un moment donné, ça atterrit comme ça. Ça le fait dire. Ça, dans son cas, c'était. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi une belle femme était surprise d'être belle. Si elle se le faisait pas dire, elle était malheureuse. Voyons, Chris, quand tu sais que tu es belle, tu te regardes le miroir, tu vois, bon. Tu es capable d'accoter Sarah Fassett, tu es capable d'accoter Beyoncé. De toute façon, Beyoncé, c'est gros, c'est trop gros, ça. Là. Puis, en tout cas, mais non, il faut qu'elle se le fasse dire. C'est un événement. Les gens cherchent des événements. Ils veulent avoir des événements pour se faire dire ce qu'ils sont. Tu dis à quelqu'un, tu es généreux. Ah ouais? Ben, je sais pas, tu trouves pas? Tu m'as aidé pour faire ci, m'as aidé pour ça. Ouais, mais. Ils se sont sortis de l'ennui quand ils ont fait ça. Mais non, mais ça a eu des conséquences. Les événements que vous avez dans votre vie, c'est des conséquences d'une situation, d'un comportement. C'est toi qui, à un moment donné, t'es donné la permission de vivre quelque chose. Si c'est Alain Mercedes, sacrement, c'est parce qu'elle avait le cash pour payer le dépôt, hein? Après ça, ben, c'est 300 piastres par mois, point final. Ben, tu sais, si t'as fait un effort, tu l'as voulu, puis tu continues à le vouloir, parce que si tu commences à relâcher, tu vas le perdre. C'est toujours conséquentiel. C'est ça la beauté. Un événement, c'est une conséquence. Quand tu as compris que dans la vie, il n'y a rien qui t'est donné, mais qu'est-ce qui t'est donné? Rien! Quand tu viens au monde, tu n'as rien. Tu as une tape sur les fesses, Chris, en sortant. Bon, ben, welcome! C'est la taxe de bienvenue, ça, là, la tape sur les fesses. Donc, quand tu arrives dans la vraie vie, après ça, tu dis, Chris, c'est dur. C'est sûr que c'est dur. Il n'y a rien qui t'est donné. Non, parce que si tu dis ma mère m'aime, elle m'a bien élevé, Chris, parce qu'elle voulait être une bonne mère. C'est pas parce qu'elle voulait te sauver. Elle voulait être une bonne mère. Moi, j'ai voulu être un bon père. J'étais un bon père, puis à un moment donné, j'ai eu mon 4%. Mon gars, il m'a dit, bon, ben là, c'est assez le bon père, là, je suis capable de m'occuper de moi-même. La dynamique, c'est que tu te fais poser une image de ce que tu poses comme acte. J'étais un père pour tout le monde, sacrément. Fait que quelqu'un me dise, ah, t'es comme un père pour moi. Ben oui, c'est sûr, j'étais un père. C'est ça, c'est le fun. Tu l'aimes-tu ton père? Tu sais, fait que c'est comme. Vous avez les réactions, les conséquences, les événements qui vont avec ce que vous êtes. Là, tu dis, ça va pas bien dans ma vie, j'ai des événements malheureux. Ben oui, mais comment ça se passe dans ta tête? Ben, quand c'est malheureux, l'événement, je peux pas être bien dans ma tête. Ben moi, c'est drôle, hein. Quand un événement est malheureux, ça veut dire que j'ai pas bien pensé mon affaire, puis c'est fini, là. L'événement vient d'arriver. C'est le terminal. Quand c'est le terminal, ça veut dire que là, c'est le temps de penser à d'autres choses, puis de penser à des choses qui vont améliorer ta situation. Pense-en à la solution. Ouais, j'en ai pas, là. Ça veut dire que tu es encore mal. Ouais, je suis encore mal. Ça veut dire que ton événement, tu ne l'as pas purgé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut qu'il soit encore plus mal pour que tu sois tellement saturé du mal de l'événement que là, ça t'oblige à changer ta façon de voir. Parce que l'événement, c'est la finalité. C'est ce qui est la fin d'un comportement. Fait tu penses, t'es négatif, tu vas voir des films d'horreur. Ça fait un an que tu vas voir des films d'horreur, puis tu te demandes pourquoi ta vie, c'est une horreur. Tabarnak! T'entretiens ces pensées-là tout le temps. Qu'est-ce que t'as pas compris? Là, vous allez me voir, vous venez me voir le vendredi, payez 45$ pour vous faire changer la façon de penser. Vous remarquez? Vous n'êtes pas encore plugué avec Dieu, mais Dieu s'occupe de vous. Moi. À un moment donné, tu finis par comprendre que si tu es comme Ménard, tu es Dieu. Mais moi, je vous fais faire un shortcut. Je vous dis, vous êtes déjà Dieu. Tu n'as pas besoin d'être comme quelqu'un. Donc, essayez pas de penser comme moi. Essayez simplement de vivre votre vie sur comment vous vous sentez. Puis si vous vous sentez mal, checkez les événements autour de vous. Les événements autour de vous, c'est des conséquences de votre état mental. T'es-tu seul? Ah, oh, je suis seul. Y a-t-il une raison, sacrément, pour que le monde t'aime, puis là? Donne-moi une bonne raison que le monde t'aime. C'est drôle, moi, si je donne rien, j'ai rien. Fait que si je commence à dire, ah bon, j'aime ça être avec elle, j'aime ça être avec lui, on fait des projets. Pourquoi mes amis, c'est toujours des gens avec qui je fais des projets? Moi, tu peux pas être mon ami si t'as pas de projet. Parce que moi, je suis pas en amour avec quelqu'un, je suis en amour avec ce que je fais avec quelqu'un. Fait que quelqu'un va dire, il m'aime bien. Non, non, non, non, non. J'aime ce que je fais avec toi. Quand tu es marié, tu dis j'aime ma femme. Non, non, non, non, non. C'est pas ta femme que tu aimes, c'est ce qu'elle te fait vivre. Mais si elle ne t'aime pas, c'est ce que tu y fais vivre aussi. Si tu y fais vivre ça, c'est pas ça qu'elle veut vivre. La séparation vient de se faire là. Elle est tannée de ce qu'elle vit. Si tu n'es pas capable d'allumer parce que tu penses que toi, tu domines, T'as manqué le bateau, man, parce que le seul fait qu'elle vibre inconfort fait le divorce. Pas compliqué, ça. Avec qui faut-tu vivre? Avec les gens avec qui tu fais quelque chose que les deux aiment. Si les deux, les trois, les quatre, les cinq, les six aiment faire ce qu'ils font ensemble, ils vont être bien chums. Parce que c'est sur le projet que les gens s'installent. Tout le monde veut vivre sa vie, pas la vie de l'autre, ou vivre pour l'autre, fuck all, là. Okay. T'aimes pas les enfants? C'est pas un malheur de pas avoir d'enfants. C'est un malheur de pas t'occuper d'un autre, parce que tu vas rester tout seul pour vrai, mais c'est pas un malheur de pas vouloir de famille. C'est pas un malheur de quoi que ce soit. Il s'agit que tu sois bien dans ce que tu vis. Le gars, il aime voler. Ça va être un bon voleur. Mais le gars, il a peur de voler. Il touche pas à ça, si tu vas te faire pogner. Il y a rien de pire que de peur de voler. T'as peur de quelque chose, ça veut dire que t'es pas en harmonie avec ça. Okay? Les pires événements vont se produire là. Vous suivez? Moi, j'aime ça parler. C'est évident. Fait que moi, le matin, de pas déjeuner chez nous, qu'est-ce qu'on va faire quoi? C'est du gruau ou des toasts, là, maintenant, que je ne fais pas cuisiner, moi, là. M'en va, puis je mange la truite. Toi, matin. Tu n'es pas tanné de la truite? Ben, ça fait juste 2 ans. C'est quoi ton problème? J'ai pas de problème. Toi, tu as un problème à me voir manger de la truite? Ouais, ben, dis-moi, je mange des. Le matin, c'est des œufs. Ouais, j'ai des œufs, j'en ai mangé pendant 30 ans, puis j'étais tanné. Ah, il dit, ça fait du sens. Ouais, en tout cas, essaye de faire un effort de compréhension, puis pense à moi, qui est tanné de manger des œufs. Qui aime mieux manger de la truite? C'est tout. Le matin, je demande un pain de viande. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis pas malade, quitte-toi pas. J'étais tanné de manger de la truite. Aujourd'hui. Demain, je vais en remangerai probablement. T'es surveillé. Le monde, ils veulent quelque chose qui ne surprend pas. Ils veulent te regarder puis tu vas être casé. Moi, j'adore de ne pas me faire caser. Quand ils avaient l'air dépeignés un peu, c'est sûr que je ne me suis pas lavé la tête encore. C'est quand est-ce que vous lavez la tête? C'est quand j'ai du monde à rencontrer. Ben, si vous venez au restaurant, vous rencontrez du monde. Oh, mais c'est tout du monde qui ne m'intéresse pas. Vous y compris. Je dis, moi, je n'irai pas me laver la tête pour vous. Là. On venait manger ma truite avant. Je m'occupe de moi. Vous n'êtes pas capable de parler de même au monde, nous autres. Pourquoi? Parce que vous vivez pour les autres. Vous vivez pour ce que vous avez l'air, vous vivez pour l'impression que vous voulez donner d'être intelligent. Tu penses-tu que je parle de conscience au restaurant là-bas avec des gars qui sont dans la maçonnerie, puis dans écoute, ça rentre les gars, il y a encore la poussière de ciment dans le corps. J'ai dit, tu veux savoir un verre d'eau pour passer ça? Ça va pogner dans les pains. Mais non, mais tu sais, c'est un milieu de... Fait que c'est pas la place où je vais aller parler, mais je m'ajuste au gars. Puis, comment ça va le ciment aujourd'hui? Il coûte pas trop cher, y a-t-il une augmentation de prix? Hein? Là, je m'occupe de l'autre. L'autre, il... En tout cas, vous avez une conversation intéressante. Ben oui, j'ai sûr, j'ai jamais parlé de moi, j'ai parlé de toi tout le temps. Mais c'est ce que les gens retiennent. Ben, je m'organise pour engendrer des événements qui dynamisent ma journée. Ce sujet est pas important. Ce qui est important, c'est que j'aille du monde. Quand je vois débarquer un gars qui est en moto, qui enlève son casque, puis je vois un porte-gobelet pour mettre un Tim Hortons, là, le gars, je rentre dans le restaurant, je le vois, je dis, sais-tu, t'as inventé quelque chose, tu sais? Il dit, je vous connais pas. J'ai dit, moi, j'ai pas besoin d'être connu, mais je trouve ça génial de mettre un pitch de Tim Hortons, là. La question que je me pose, comment ça rentre si t'as un full face? Il dit, je prends une paille. Un café avec une paille, c'est, hein? Why not? Là, un gros full face, comment tu peux boire du café avec un full face, fuck all? Il dit, je prends une paille. Ah, c'est bon. Puis là, ben, le gars, il veut jaser de bicycle. Tu comprends bien? On jase de bicycle. Je fais pas ça pour être plus intelligent, moi, là. Je fais ça pour avoir une journée dynamique. Le gars, il est content, il est heureux, il vit moto, café accroché sur sa poignée droite parce qu'il prend son café du bras droit, puis il faut qu'il lâche le gaz. Comment faire ça, lâche le gaz? J'ai une affaire pour un cruise control, là. C'est juste une bébelle qui serre la poignée, puis ça tient ta vitesse. Et tu vois pas ça dans le trafic? Non. C'est que 5 ans, je suis en grande route. Ah, tu sais, t'apprends quelque chose, puis tu sais, t'as pas besoin d'être ennemi, là. Les gars, je verrai peut-être une fois dans ma vie, c'est drôle. Puis moi, j'arrive, ben c'est ma journée de conférence. Fait que là, je suis dynamique dans la soirée. J'ai pas l'air d'un gars qui va mourir. J'ai 4 heures de sommeil dans le corps. Depuis 3 jours, je dors 4 heures. C'est sûr que je vais boyer de temps en temps, là, mais d'une façon générale, ça se tient bien. J'ai pas besoin de descendre les marches en m'accrochant sur le bord de la table. OK. Mais la vie, quand vous la comprenez au niveau de l'événement, puis que vous savez que c'est un terminal, que c'est pas une punition, c'est un terminal, c'est la conséquence de ton état mental. Facile de corriger ça après. Tu dis, hey, j'aime pas cet événement-là. Ben, tu sais, quand ça va bien, t'as rien à changer. Puis quand ça va mal, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Comme moi, ma vitre qui tombe, boum, c'est un Mercedes quand même, c'est pas évident, j'ai jamais vu ça c'est un japonais. Il y a quelque chose dans ma vie là, que je fais de trop. Là. Hein? La guitare t'en fait trop. Hey, je passe facile 20 heures par semaine là-dessus. Là. J'ai passé un mois et demi à choisir mes guitares. Là, je suis dans les pédales, les hosties de pédales. Sais-tu que des pédales hallucinants, je te dis, il y a au moins 50 compagnies qui font des pédales. Puis j'ai pas fait le tour encore. 50 compagnies qui font facile 10 à 15 pédales différentes chaque. On est rendu à au-dessus de 500 pédales. Juste, à un moment donné, j'ai rentré dans les magasins. J'ai dit, j'aurais besoin de prendre un cours ces pédales. J'ai dit, juste comprendre la différence entre un reverb, un delay, un écho. Après ça, de tomber les compresseurs, les fuzz, puis les... Non, les wah-wah, c'était une autre classe. Les fuzz, les distos, les distorsions. Puis il y en a un autre aussi, là. Un autre. Phaser, c'est pas un son, oui. Flanger, il y en a un autre aussi. Flanger, phaser, c'est pas mal dans la même famille. Mais la disto, le screamer, tout ça, c'est dans la même famille, là. Tu sais qu'il y a un ampli automatique, non, chorus, c'est dans la famille des reverbs. Tu sais, j'ai appris mes leçons, là, mais sacrément, passé 3 semaines là-dedans. Là. Ah, il s'est essayé d'essayer ça, dit, ah non, ça, j'aime pas ça. En finale, tu sais, le son de la guitare, quand il est en mode clean, ça, c'est parfait pour moi, tu sais. Les petites patentes qui crachent, là. Tu sais, on dirait que c'est toujours, ils sont pris les doigts dans les cordes de porte, là. Ah, c'est pas moi, ça. En tout cas. Avez-vous compris quelque chose? Allez aux questions. Là, j'étais à 54 minutes. Le taux des questions. Des fois, il faut changer. Non, je dis. L'événement, c'est le reflet de notre état mental. C'est la conséquence de ce que vous vibrez. Quand elle arrive devant nous, et c'est le terminal. L'événement, c'est la finalité d'un état d'esprit que tu as qui peut être. Je vous dis, si l'état d'esprit, ça fait 20 ans que ça dure, c'est sûr que tu vas avoir tout le temps ce genre-là. Tu n'aurais jamais acheté de Mercedes. Non. Jamais. Tu n'aurais jamais tiré la carabine. Tu as eu une intervention de quelqu'un qui trouvait que tu faisais pitié. Puis j'ai dit, bon, ben là, moi, je vais changer sa vie. Et c'est ce que j'ai fait. Tu te souviens-tu quand ta première carabine, t'as acheté, là, ta super belle carabine? On gagne à mort. Hein? On s'entend que tu n'étais pas là pour acheter une carabine, là. Oui, c'est ce qui a fait l'événement. C'est la confiance que tu m'as faite qui a changé ta vie. Le Ben, c'est venu après. T'es un gros obstacle, oui. T'es un zombie ambulant que je suis en train de refaire une vie avec, là, tu sais. Pardon? Tout dans ta tête est fait te détruire, puis j'ai mis un terme à ça. Je réveille les morts. Tu étais morte. Tu avais un mental, puis tu as laissé mourir. Et je suis intervenu là-dedans. Et ça a marché. Tu vas rester en vie juste pour une ride de Benz. Même si les plans bien morts, tu sais, tu vas rider en Benz. Oui. Oui. Ouais. Dans le fond, c'est un événement. Il ne veut même pas être riche, le gars. Ouais, c'est ça. Il a une rente à vie, lui, parce qu'il était dans l'armée, il était dans GRC. Je pense qu'il donne au-dessus de 100 000 par année. Okay. Toute sa vie est garantie. Puis, dans l'exemple, si quelqu'un lit tout le temps les journaux, lit tout le temps les mauvaises nouvelles tous les jours, c'est-tu dans l'événement? Ça dépend comment qu'il lit. Moi, je lis toutes les mauvaises nouvelles, j'entends toutes les mauvaises nouvelles, puis pour me reposer, je vais en consultation devant du monde qui braille. Mon moral est excellent. C'est comment tu le prends? Ben, je vous dis, moi, je m'intéresse dans la vie à ce que je peux régler. Moi, un problème en Afghanistan, c'est une nouvelle, mais c'est pas, je me sens pas concerné. Il y a une personne qui m'a demandé à soir, elle a dit, j'ai une de mes amies qui est possédée. Je touche plus à ça. J'ai 62 ans, là. Faire ça par téléphone. Si elle part, là, avec une danse de Saint-Guy, là, si elle est à Québec, là, moi, je suis pas là pour la ramasser, là. Tente pas. Là. Après ça, je vais me faire accuser par le Collège des médecins de faire de la médecine non traditionnelle. Non, j'ai pas le goût de finir ma vie de même, moi, là. Tente pas. Si j'amène, ça me tente pas. Qu'elle écoute des CD, sacrément. Juste écouter des CD, ça va y changer la vibration. Point final. Je suis tellement marginal que tout dans sa tête va exploser en écoutant ça. Surtout en dormant, là. Okay. Tu veux pas comprendre, le best principe de Ménard, là, quand tu veux pas rien savoir de la conscience, sacrément, c'est le meilleur somnifère qu'il y a pas au monde. J'ai une voix pour gazer n'importe qui. T'essayeras ça, si tu fais de l'insomnie, là, tu te prends une cassette, ou même Bernard, il en a fait une, là. C'était la mort du l'ego. Si tu dors pas après cette cassette-là, il fait fort. Non, si. On vit bien plus notre vie, c'est ce qu'on vibre. Tu sais, tes musiciens devraient comprendre ça. Chris, la musique est rentrée quand tu commences à la sentir, que t'as pas de restrictions comme moi qui est obligé de se tordre les doigts sur le manche puis chercher ses notes puis te le quitte. Hey, ça, c'est le bout le plus égoïque de l'expérience. Là. Mais quand t'es rendu, là, après je sais pas combien d'années, là, que t'es applaudi à la première note, là, tu fais « Oui! » Puis là, ça tape toutes les petites filles commencent à se déshabiller, les tontons l'air. Fuck! C'est parce qu'il y a quelque chose qui passe dans la corde qui est pas... Que moi, je fais la même chose, ça passera pas. En tout cas, moi, j'ai des DVD de différents types de guitaristes, puis des fois, ils jouent les mêmes genres de tunes, parce que du blues, quand même, il y a une relative limite. Ça va pas bien, bien loin. Puis, fuck, ils ont tous le style, ça travaille pas le manche de la même façon. Du Eric Clapton, ça sonne pas comme du Jimi Hendrix, puis, en tout cas, tout ça, là. Donc, alors, c'est ça. Fait que c'est plus le senti des gens qui m'intéresse que leur rationalité. Tu sais, tu prends quelqu'un qui est raisonnable, il est prévisible, mais quelqu'un qui est sur le senti, il n'est pas prévisible, tu sais. Donc, c'est ça. Tu vas avoir ton style. Faut que tu te sentes, parce que tu n'auras pas le style de tout le monde. Tu vas avoir ton style qui peut être influencé par quelqu'un qui vibre quelque chose de similaire à toi. Mais je pourrais dire que si tu vibres un style particulier, étudie la vie de celui qui a ce style de jeu de guitare-là. Puis Chris, il va avoir des similitudes avec la tienne, parce que vous êtes en résonance, là, c'est sûr. OK. Donc, c'est ça. Mais moi, un gars comme Alex Hutching, là, pas jouer comme lui, là, mais lui, j'aimais ça. Moi, j'aurais bien de l'argent, je le ferais venir ici au Québec. Un Anglais, là. Parce qu'il me fait buzzer bien net. Il est tellement drôle. Il fait un bon spectacle. Parce que j'ai jamais compris pourquoi, quand tu fais de la musique, sacrément, t'es tout haut là. Fais de la grimace, puis de la grimace, puis... Puis de la patente. Ah non, il est drôle. Là. Il fait crise de bon show. Ben, as-tu la vie que tu veux? Ou s'il faut aller prendre une bière ensemble après? Ton chat, ça t'a-tu rentré dans le corps pas mal? Moi, ça me rentre dans le corps quand je perds un chou que j'aime, surtout des abyssins. T'avais le mouton. Moi, je pleure. C'est des grosses larmes. Moi. Genre, ça finit plus, là. Je pleure pareil comme une femme. Pareil. C'est juste une représentation de ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, mais ça, c'est le lendemain que je m'occupe de ça. Mais dans le temps que je broille, là, c'est vraiment du fond du cœur. Ouais. C'est, il a fait pipi, il a ri, il a sué, puis il a broyé. C'est tout dans la même catégorie, ça. T'as vraiment pensé à ça, que suer, c'est broyer. OK. Ah, moi, c'est... Je perds un membre de ma famille, moi, là. Non, mais dans le fond, c'est un changement de votre que tu subis. Ouais, mais c'est jamais banal. Moi, dans la conscience, ce que je me refuse. Oui, c'est ça, mais c'est parce que la plupart des gens que je connais qui parlent de conscience, c'est comme s'il faudrait qu'ils soient des robots. Qu'il ne faut pas qu'ils expriment d'émotions, de sentiments. Moi, la force de ma conscience m'amène à être capable de broyer en public, comme Bernard le faisait, puis de ne pas donner une importance de la collectivité dans la lecture de ton image. Tu n'es pas dans le OA ou Questaler. Conscient, tu n'as pas ça, ce problème-là de Questaler. Tu as le Questaler pour la sensibilité des autres, mais tu n'as pas de Questaler pour ta propre... magnificence. Il faut que tu vives l'expérience, puis par la suite, l'intégrer. Par la suite, continuer à la vivre. J'ai pas de problème à ne pas régler la sensibilité que j'ai pour les chats. T'sais, la sensibilité que j'ai pour les chats ou la sensibilité que j'ai pour quelqu'un. Quand j'étais en consultation, j'aime ça, pouvoir dire ça me touche, qu'est-ce que l'autre a vécu. Hein. J'aime ça, vivre ça, moi, là. C'est comme, Chris, je vis, là. Je suis un corps humain, tabarnak, là. Je suis pas juste un esti de robot qui obéit aux forces, calis. Fait que, tu sais, quand t'es dans du relationnel. Moi, quand je fais mes esti de CD, là, pour les prévisions, là, je garoche pas n'importe quoi. J'en ai fait un à lui, là, que j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais sacré autant, là. Débile. Puis là, après ça, quand j'ai fini, je disais, si, j'aurais-tu le recommencer, là, plus relax. Mais je laisse les forces faire. J'ai commencé. Hier, j'ai parlé pendant 30 minutes, 20 ou 30 minutes, puis il y avait juste 8 minutes d'enregistrer, les batteries ont lâché. Là, j'ai écouté, j'ai dit, qu'est-ce que vous êtes mis dedans, là? Là, j'écoute, Chris, ils m'ont coupé ça, là, j'aurais pas pu faire mieux, là. Là où ça finit, c'était eux autres. Ben, je dis, ouais, vous faites vraiment ce que vous voulez avec nos cerveaux, avec nos. Les événements, tabarnak, tout ce que je parle, je l'ai vécu, Chris. C'est pas de la fiction, moi, là, quand je parle. C'est du vécu. Quand je te dis, moi, les forces, je veux pas qu'ils m'enlèvent ma sensibilité aux gens, sacrément. C'est parce que je veux être avec le monde, moi, là. Je veux pas me ramasser tout seul avec 22 chats, juste ça, à la semaine longue. Calvaire. Puis commencer à être toujours, dire, ah, le monde pas intelligent. OK, c'est des animaux. Mais j'aime les animaux. J'adore. J'aimerais ça avoir un lion dans la maison. J'aime les animaux. Va chier partout. Demande-toi des crottes de chat versus une crotte de lion, là. Tu sais. Une balle de bowling, quoi. C'est verdant. Quand tu restes sur mon site, le gars qui s'est élevé un grizzly, là. C'est pas ça qu'il est dans une tière. Ah, c'est fou comment j'essaie d'être humain. Mais qu'est-ce que tu veux, quand t'es mental, puis surtout quand tu te plugues, le corps, là, c'est fret comme le corps, là, ça n'a pas d'allure.